Chapitre 17e. Dans sa vieillesse, Scaramouche devint éperdument amoureux de la fille d'un boulanger, qui était toute jeune et fort jolie. Elle se souciait peu du cœur d'un barbon de 60 ans, mais elle ne manquait point de coquetterie et ne négligeait aucune occasion de s'amuser. Après avoir joué quelque temps avec le vétéran de Cythère comme le chat avec la souris, elle résolut de lui donner le dernier coup de griffe. Un jour, Tiberio entendit cette Vénus narquoise lui annoncer, de la voix la plus tendre, que son père devait être absent jusqu'au lendemain. Scaramouche s'empressa de se faire habiller, coiffer, parfumer. Le soir, il arriva scrupuleusement à l'heure fixée pour l'entrevue. La belle fut gracieuse, il se jeta à ses genoux pour la remercier, mais 3 coups frappés brusquement à la porte lui étouffèrent tout à coup la parole dans le gosier. « Que veut dire ce tapage ?» s'écria la jeune fille, qui parut tomber de son haut. Et marchant sur la pointe des pieds, elle se dirigea vers la porte, l'oreille tendue. 3 nouveaux coups plus violents firent gémir les battants. « Ah, malheureuse, je suis perdue, et je n'ai plus ma mère pour me défendre. »« Contre qui ?» demanda Scaramouche, frissonnant et blême. « Et quoi, n'entendez-vous pas ? C'est mon père qui revient, il va me tuer !» Et il ne vous épargnera pas plus que moi, juste ciel, que faire ? Que faire ? Voilà aussi ce que je me demande. Monsieur, reprit-elle avec énergie, il faut absolument que vous disparaissiez. Oui, je voudrais bien me sauver, mais par où, comment ? Les coups redoublèrent. Scaramouche crut un moment la porte enfoncée. Ses regards effrayés interrogèrent tous les coins, tous les panneaux de la chambre. Point d'issue, fit-il avec désespoir. « Pas même un trou où je puisse me cacher. » La jeune fille se frappa le front. « Là, » dit-elle en montrant la huche, dont elle souleva le couvercle. Scaramouche ne se fit pas répéter l'invitation. Il se blottit dans la huche au milieu d'un reste de farine. Le boulanger, introduit enfin par sa fille, commença par la gronder d'avoir tant tardé à lui ouvrir. Puis, radoucissant sa voix comme s'il ne soupçonnait rien, il poursuivit. « Le mauvais temps m'a empêché de partir et je reviens avec une faim de diable. As-tu soupé ?»« Pas encore, mon père. Je songeais à allumer du feu à la cuisine quand vous avez frappé. »« Eh bien, mon enfant, hâte-toi, nous souperons ensemble. » Le repas apprêté fut servi sur la huche et longuement savouré par le père et la fille. Le gourmand Scaramouche eût volontiers à cette heure échangé les plus belles femmes du monde pour une simple croûte de pâté. Quand il eut fini de souper, le boulanger dit à sa fille « Pour moi, je ne me coucherai point. La nuit est avancée et notre voisin, qui a envie d'acheter ma huche, doit venir la visiter au point du jour. Si j'éprouve le besoin de dormir, je m'étendrai sur le couvercle pour y faire un somme. Va, mon enfant, va reposer » ajouta-t-il en lui donnant 2 gros baisers, dont le bruit chatouilla peu agréablement la bonne oreille du prisonnier. Le lendemain, le voisin, qui n'était autre qu'un compère, vint visiter, marchander et faire enlever la huche. Les porteurs, trop vite fatigués, la posèrent un instant au milieu de la rue et furent bientôt entourés d'une foule de curieux. Alors le voisin, comme pour examiner intérieurement son emplette qu'il n'avait encore regardée qu'à l'extérieur, ouvrit le meuble tout grand, et les spectateurs purent contempler avec ébahissement le pauvre amoureux mystifié et enfariné. Scaramouche retrouva dans cette circonstance critique la vigueur première de ses jarrets. Il sauta d'un bond hors de la huche, fendit la presse et courut d'une haleine jusqu'à son logis. Mais ce ne fut pas sans un cortège d'enfants qui le poursuivait de 1000 cris encore en vigueur chez nous pendant le carnaval.